Oui, je n'ai pas un sou dans ce moment à donner à Hortense, et je suis bien malheureux. Mais puisque tu m'ouvres ainsi ton cœur, j'y puis verser des chagrins qui m'étouffaient. Si ton oncle Fischer est dans l'embarras, c'est moi qui l'y ai mis. Il m'a souscrit pour 25 000 francs de lettres de change, et tout cela pour une femme qui me trompe, qui se moque de moi quand je ne suis pas là, qui m'appelle un vieux châtain. Oh, c'est affreux qu'un vice coûte plus cher à satisfaire qu'une famille à nourrir. Et c'est irrésistible. Je te promettrais à l'instant de ne jamais retourner chez cette abominable Israélite. Si elle m'écrit de ligne, j'irai, comme on allait au feu sous l'empereur. Ne te tourmente pas, Hector, dit la pauvre femme au désespoir et oubliant sa fille à la vue des larmes qui roulaient dans les yeux de son mari. Tiens, j'ai mes diamants, sauve avant tout mon oncle. Tes diamants valent à peine 20 000 francs aujourd'hui. Cela ne suffirait pas au père Fischer. Ainsi, garde-les pour Hortense. Je verrai demain le maréchal. Pauvre ami, s'écria la baronne en prenant les mains de son Hector et en les lui baisant. Ce fut toute la mercuriale. Adeline offrait ses diamants, le père les donnait à Hortense. Elle regarda cet effort comme sublime, et elle fut sans force. Il est le maître, il peut tout prendre ici, il me laisse mes diamants. C'est un dieu. Telle fut la pensée de cette femme, qui certes avait plus obtenu par sa douceur qu'une autre par quelque colère jalouse.